L'éternelle harmonie par Paul Yonka. Quand j'aurai fait jouer mon opéra. Ce lambeau de phrase revenait à tout instant dans les discours plutôt décousus de Florentin Silbert, le compositeur de musique dont personne encore, hélas, n'avait entendu les œuvres. Il le prononçait d'une façon inexprimable, faisant tenir dans ces quelques pauvres mots tous ses espoirs jamais vaincus, malgré d'incessants désenchantements, toutes ses futures revanches de génie incompris. Ah, on verrait quand il aurait fait jouer son opéra, c'est-à-dire quand il serait célèbre et riche par conséquent. Oui, on verrait. Et ceux qui se moquaient de lui présentement seraient les premiers à le congratuler, à s'incliner bien bas devant sa gloire naissante. Il y avait un peu de tout cela et bien d'autres choses encore dans ces paroles accoutumées de Florentin Silbert, et il venait de les jeter comme un défi en passant devant sa concierge. Celle-ci, causant sur le seuil de la porte avec quelques voisines, l'avait regardé venir en souriant, sans toutefois mettre dans ce sourire ni raillerie ni méchanceté. Mais l'infortuné musicien en fut néanmoins blessé dans sa sensibilité profonde, dans cette plaie vive qu'il portait toujours au fond de l'âme et au milieu de l'incompréhensible brume qui enveloppait son cerveau, abolissait sa pensée, il ne trouva que cela à dire, cet éternel refrain de l'idée intime qui le soutenait, l'aider à supporter les pires détresses. Lorsqu'il eut pénétré dans le vestibule, qu'il traversa d'une étrange démarche incertaine, la concierge échangea un regard malicieux avec ses interlocutrices. « Ce pauvre monsieur Silver, il a sûrement un peu fait la fête pour oublier que nous ne sommes pas prêts de l'applaudir, son opéra. Avez-vous vu comme il allait de travers dans la rue tout à l'heure? Et quand il a passé devant nous, je me suis demandé s'il n'allait pas perdre complètement l'équilibre. » Une des femmes appuya. « Et il finira mal s'il continue comme ça. Ce qui perd les hommes, c'est qu'ils ne savent pas supporter les ennuis. Ils se mettent à boire pour ne plus penser, et alors adieu leur santé et leur raison. » « Ce serait grandement dommage pour M. Silbert, dit la concierge compatissante. Un bon locataire et un si honnête garçon s'y rangeaient jusqu'à présent. Il ferait bien mieux de renoncer à son opéra et de chercher une place, puisqu'il a de l'instruction. Je suis de votre avis. La boisson aidant, il perdra la tête. » Mais une jeune fille, qui était arrivée en même temps que le musicien et qui n'avait rien dit, eut à ce moment un geste de vive dénégation. « Je crois que vous vous trompez, » fit-elle d'un accent dont la modération polie dissimulait mal son mécontentement de semblables appréciations. « Monsieur Silver ne me produit pas du tout l'impression de quelqu'un qui aurait commis un excès. Il me paraît plutôt malade, ou bien en proie à un grand chagrin. Depuis longtemps, il est mon voisin, et je puis dire que sa vie est celle d'un homme régulier et sobre. » Sur ces mots qui, pour finir, avaient revêtu, en dépit même de celle qui les prononçait, une certaine sécheresse, la jeune fille s'éloigna rapidement et se mit en devoir de monter l'escalier, dans lequel on entendait encore la démarche traînante de Florentin Silbert. « Voyez-vous cette gentille mademoiselle Denise ? » dit la concierge dès qu'elle eut disparu. « Voyez-vous comme elle prend la défense de M. Silbert ? Je ne lui en veux pas de mal, moi, cet homme. Est-ce que ma jolie locataire aurait un petit caprice pour son voisin ? C'est ce qui pourrait arriver de plus heureux à M. Silbert, » répondit une des femmes avec conviction. « Mademoiselle Denise est une personne pratique et ferme autant qu'intelligente et bonne. Je suis bien sûr qu'elle s'arrangerait de façon à le tirer d'affaire, notre pauvre musicien, s'il devenait son mari. Eh bien, souhaitons de voir bientôt la noce, » conclut la concierge au milieu des rires indulgents du petit auditoire. Sans se préoccuper des commentaires que son attitude avait pu susciter, Denise Quesnoy gravissait promptement l'escalier. Une sorte de hâte intime la pressait de rejoindre le compositeur, qui ne lui avait point paru dans son état normal, et de deviner la cause de cet ébranlement de détresse que la sensibilité tendre de la jeune fille pressentait dans le malheureux artiste. Elle n'eut pas de peine à gagner l'avance qu'il avait sur elle, car le musicien montait péniblement, d'une allure que chaque marche rendait plus lourde, plus accablée de lassitude mortelle. Pénétrée d'une pitié sourde et poignante, Denise démêlait l'effort surhumain accompli là, la suprême tension de dignité qui poussait cet être vaincu à se réfugier chez lui pour y souffrir loin des regards indiscrets, y pleurer librement, y agoniser de cette peine abominable qui étouffe à certaines heures ce que tout bonheur fuit. s'il n'eût écouté que l'indicible aspiration de son corps brisé, Florentin Silver n'aurait pas été plus loin. Il se serait couché là, comme une bête blessée se couche n'importe où pour mourir. Cependant, l'un à la suite de l'autre, les deux jeunes gens atteignaient le cinquième étage où ils demeuraient porte à porte. Silver ne s'était pas retourné. Il semblait qu'il n'eût conscience de rien, pas plus de sa propre existence que de celle d'autrui. Et il ne se doutait même pas que Denise le suivait, qu'une sollicitude amie le couvrait depuis quelques instants d'un regard où l'excès de l'inquiétude faisait naître une indéfinissable tendresse. Et comme s'il eût employé ses dernières forces à cette ascension nécessaire, le musicien n'eut pas plutôt posé le pied sur le palier qu'il chancela. Machinalement, il se retint la rampe, mais son autre main battit l'air d'un mouvement de navrant appel au secours, et il serait tombé si Denise ne se fût précipitée pour le soutenir. Il la regarda avec des yeux vagues, douloureux à voir, et elle se demanda avec épouvante s'il la reconnaissait. « Ah, c'est vous, mademoiselle Denise !» bégaya-t-il après une seconde qui parut à la jeune fille longue comme un siècle, quand elle lui aidait à se remettre debout. « Je ne sais pas ce que j'ai. Je crois bien que je suis un peu malade. » Certes, oui, il était malade, le pauvre musicien. Son visage, qui n'était que pâle tout à l'heure et maintenant affreusement défait, le disait assez, et sa voix aussi, une voix affaiblie, singulièrement lointaine, qui faisait mal à entendre, et qui remuait dans le cœur de Denise le meilleur de cette pitié fraternelle qui éveille l'excès de la douleur physique chez une autre créature. D'un charitable élan, elle proposa « Vous allez entrer chez moi, monsieur Silver. Je vous ferai une tasse de thé, et cela va vous remettre. » De nouveau, il la regarda, avec des prunelles humides cette fois, et où elle eut une intensité de gratitude heureuse que ne comportait point en apparence une offre aussi simple. Ses jambes brisées ne le portaient plus, d'ailleurs, et s'est appuyé sur le bras que lui tendait Denise, avec l'exquis naturel de cette touchante garde-malade qui s'éveille en toute vraie femme devant la souffrance, qu'il pénétra, pour la première fois, dans le coquet logis de sa voisine. L'instant d'après, confortablement installé dans un fauteuil profond, la tête renversée contre le dossier en une pose d'inexprimable repos, il parlait, mêlant sa voix de tristesse et de rêve à la chanson grêle et joyeuse de la bouilloire que la jeune fille venait de placer sur un réchaud à flamme bleue. « Quand j'aurai fait jouer mon opéra, mademoiselle Denise, » murmurait-il, son éternelle chimère se changeant sous l'empire de l'affaiblissement passager, en une sorte de divagation douce. « Quand j'aurai fait jouer mon opéra, je pourrai reconnaître votre bonté d'aujourd'hui. Et je la reconnaîtrai magnifiquement, vous verrez. Vous ne regretterez pas d'avoir été bonne au pauvre compositeur dont chacun se rit, de l'avoir secouru à une des heures les plus dures de sa torturante existence d'artiste. Et pourtant j'en ai connu de dures heures. Allez, mademoiselle Denise, vous ne le croiriez pas si je vous le disais. J'ai eu froid, j'ai eu faim, mais j'ai tout supporté. Parce que je sais bien qu'un jour viendra où j'aurai ma revanche, où j'imposerai mon talent à Paris et au monde entier par un flot d'harmonie. Si vous saviez comme il est beau, mon opéra, tenez, je ferai pour vous ce que je n'ai fait pour personne. Je vous en jouerai des passages. Je vous le jouerai même en entier, et vous jugerez si j'ai raison d'attendre et d'espérer. C'est bien, interrompit la jeune fille, grondeuse pour dissimuler l'émotion qui naissait en elle à cette navrante confession d'une âme perdue dans son impossible rêve. C'est bien, nous recoserons de cela plus tard. Pour le moment, faites-moi le plaisir de prendre tout de suite cette tasse de thé bien chaud. » Souriante et joliment maternelle, elle lui présentait la tasse. Le musicien se redressa d'un mouvement vif et en absorba le contenu avec une avidité qui la surprit. Quand il la lui rendit, vide jusqu'à la dernière goutte, il leva vers elle des yeux suppliants. « Oh, que c'est bon, que cela fait du bien !»« Une autre tasse, voulez-vous, mademoiselle Denise ?» Il avait l'intonation câline, l'épanouissement de gourmandise naïve des enfants qui sollicitent le renouvellement d'une friandise. Un soupçon traversa la jeune fille. Pour en recevoir la confirmation, elle répondit négligemment « Mais bien volontiers. Et voyez si je suis peu habitué à exercer les devoirs de l'hospitalité. J'ai oublié de vous offrir l'obligatoire tartine de beurre. Vous me permettrez de réparer ces distractions, n'est-ce pas ? « Oh oui, oui, une tartine !» consentit le musicien avec une sorte de ferveur. Alerte, Denise beurrait déjà une mince tranche de pain. D'une main un peu tremblante, elle l'attendit à son hôte. Il sentit ses paupières s'alourdir de larmes contenues. Sans plus s'occuper d'elle, momentanément abstrait de sa présence, le pauvre compositeur dévorait. Denise avait donc bien compris, et sa pitié de tout à l'heure se faisait immense et navrée. Le musicien avait faim. Il n'avait pas mangé de la journée, à coup sûr, de la veille peut-être. Et c'était pour cela qu'il titubait dans la rue comme un homme ivre. C'était ce jeûne prolongé qui annihilait ses facultés, embrumait son cerveau affaibli au point de lui communiquer une sorte de légère folie passagère. D'ailleurs, ne lui avait-il pas avoué, la minute d'avant, alors précisément que la faiblesse en lui trahissait le vouloir de fierté. Il avait eu froid et faim. Il avait souffert de toutes les détresses réservées aux pauvres êtres que leur idéal abandonne. Les yeux baissés, pour cacher leur éclat humide, et le cœur étreint d'une compassion sans bornes, Denise beurra une seconde tartine, puis une troisième. La fringale de Silver s'apaisait peu à peu, et de seconde en seconde, il se sentait renaître. Le sens des choses lui revenant en même temps, une rougeur brusque monta son visage pâli, et ce fut en bégayant de confusion qu'il se leva pour prendre congé de la jeune fille. Quand il l'eut quittée, après lui avoir promis sur ses instances de venir partager son dîner le lendemain, elle resta longtemps songeuse, absorbée dans l'impression à la fois obscure et puissante qu'il y avait là, tout près d'elle, une douce et généreuse mission de femme à remplir. Florentin Silver était très fier depuis quelques jours. En effet, par un de ces hasards miraculeux comme il s'en produit pour confirmer dans leur chimère les doux rêveurs de ce genre, il avait découvert le pactole sous la forme d'un emploi de professeur de musique dans un petit pensionnat de banlieue, emploi qui lui rapportait la somme, fastueuse pour lui, de 100 francs par mois, et il en augurait sérieusement que c'était le commencement de sa fortune. C'est pourquoi il frappa à la porte de Denise un beau matin, comme elle se disposait à partir pour la grande maison de mode de la rue de la Paix, où elle occupait les fonctions importantes et bien rétribuées de première. L'autorisation d'entrée ayant été accordée, le musicien pénétra d'un air vainqueur qu'on ne lui connaissait pas naguère. Pensez donc, il était un personnage considérable maintenant, et se croyait plus que jamais prêt de faire jouer le fameux opéra. Denis le considéra avec une physionomie affectueusement railleuse, car ils étaient très amis à présent, et elle ne se gênait pas pour décocher de temps à autre une épigramme aux mirifiques espérances de son voisin. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-elle. Et en posant sa question, elle dissimula un sourire, car ce qu'il y avait, elle le savait fort bien, et même, de minute en minute, depuis ces quelques semaines, elle guettait le tendre aveu qu'elle sentait palpiter sur les lèvres du compositeur. « Denise, » répliqua celui-ci, sur un ton involontairement solennel. « J'ai besoin de vous parler. »« Le moment est mal choisi, » repartit la jolie fille du même accent léger. « Ne voyez-vous pas qu'il est pour moi l'heure de sortir ? Et les patrons ne plaisantent pas sur le chapitre de l'exactitude. »« Votre patron attendra, » prononça majestueusement Silver. « Et s'il n'est pas content, eh bien, vous l'enverrez promener. » Denise partit d'un gai éclat de rire. « Vraiment ? Et ma position, monsieur Silver, et mon gagne-pain ?» Mystérieux, Florentin annonça. « Sous peu, vous aurez mieux, cher ami, beaucoup mieux. »« Que vous piquez ma curiosité, » dit-elle gentiment narquoise. « Êtes-vous devin pour me prédire les prospérités qui m'attendent ?» Il avait pris la main. « Denise, ne plaisantons pas sur ce sujet. Vous me feriez de la peine, car je n'ai jamais parlé plus sérieusement. » « Je vais vous avouer sans plus de détour le sujet de ma visite matinale. Après y avoir longuement réfléchi, il m'a paru que notre amitié présente ne pouvait être que le prélude d'une affection plus durable et plus tendre. » Le sourire de Denis se nuança de raillerie émue. « Comment, vous avez trouvé cela, monsieur le rêveur ?»« Les rêveurs ont du bon, Denise. Vous le constaterez sans tarder. Et comme conséquence logique des réflexions que je vous indiquais tout à l'heure, « je suis venu vous demander d'être ma femme, certain que ce sera pour votre bonheur. À présent que j'ai une situation, je me créerai les relations nécessaires et je ne pourrai manquer de faire jouer bientôt mon opéra. Alors, chère Denise, vous serez heureuse et riche. Pensez donc, la femme d'un compositeur célèbre. » Il s'exprimait avec une conviction désarmante. Elle le considéra d'un air d'indulgence tendre où se mêlait un peu d'appréhension pour le désenchantement qu'elle allait lui causer. « Mon cher Florentin, je suis infiniment touché de ce que vous me dites là. »« Et vous consentez ? » s'écria-t-il joyeux. « Un instant. » « Je consentirai, oui, mais à deux conditions. Je les accepte d'avance. » Promit-il, le visage radieux. « Ne vous engagez pas trop, » fit-elle tristement, car elle avait peur maintenant, peur de cette chimère qu'il fallait chasser de ce cerveau qu'elle n'avait vécu, et elle le plaignait de toute son âme, ce pauvre espoir qu'elle devait tuer, et qui avait été si longtemps la seule joie de ce cœur déshérité. Si Florentin allait ne pas accepter, véritable artiste, en dépit de perpétuels déboires, il tenait peut-être à son rêve par-dessus tout, s'il allait vouloir le garder. Silver suivait en elle cette lutte intime sans en comprendre la cause. Ardemment, il reprit les deux mains de la jeune fille. « Denise, ne craignez pas de me poser vos conditions. Si dures qu'elles soient, je les accepterai, car je vous aime plus que tout au monde. » La poitrine de Denise se dilata devant cette affirmation bien faite pour charmer toute femme. « Voyons-le donc, » dit-elle en s'efforçant de retrouver son sourire. « Voici ma première condition. Vous renoncerez à vos intermittentes besognes musicales, leçons ou autres, qui nous conduiraient tout droit à mourir de faim, et vous occuperez un emploi stable que je me charge de vous procurer. » Silver avait pâli. Malgré tout, sa vie d'indépendant bohème lui était chère, et lui en coûtait de la sacrifier. « Un emploi ? » balbutia-t-il interdit. « Oui, » dit fermement Denise. « Oui, un emploi, comme il convient à un homme qui veut être chef de famille et qui doit, avant tout, chercher les moyens de faire vivre dignement les siens. » Le musicien courba la tête. « Soit, Denise, j'obéirai. Et l'autre condition ? » ?»« La voici. » « C'est que vous remettiez votre opéra dans ses cartons et que vous ne songez plus à le faire jouer. »« Ou du moins, » rectifia-t-elle, apitoyée par la soudaine altération des traits de Silver, « que vous me promettiez de n'y plus penser que bien plus tard, quand notre position sera définitivement assise et que nous n'aurons plus à redouter la misère, l'affreuse misère qui sépare les cœurs les plus unis. » « Est-ce entendu ?» Silver demeura un instant le front penché en proie à un combat muet et violent. « C'est votre dernier mot ? » questionna-t-il enfin. « Oui, » confirma-t-elle d'un accent décidé qui ne pouvait laisser aucun doute sur ses intentions. « Me sacrifier votre musique ou me perdre pour toujours ? Choisissez. »« J'ai choisi, » s'écria-t-il d'un élan. « Vous, avant tout, ma Denise. » Il lui tendait les bras et, triomphante, d'un tendre triomphe, elle déposa son premier baiser sur ce large front de rêveur, à cette minute tout illuminée d'une irradiation de sacrifice. Il fut fait comme Denise l'avait décidé. La jeune fille recommanda Silver à son patron qui l'agréa comme employé à la correspondance, avec promesse d'une augmentation de situation si les services du nouvel auxiliaire méritaient qu'on les distinguât. Et les semaines qui suivirent, l'ex-compositeur s'en alla courageusement à son bureau chaque matin, mentalement courbé toutefois, et l'âme noyée de mélancolie, à la pensée que le génie qu'il avait rêvé d'être abdiquait ses magnifiques espérances pour incarner désormais un pauvre primitif comme tant d'autres, expéditionnaire par amour. Mais la grandeur même de son sacrifice le dédommageait vis-à-vis de lui-même, et quand la nostalgie intérieure se faisait trop intense, un sourire de Denise venait à point le réconforter. Avec la volonté de se vaincre, il plongeait ses yeux vacillants, tout embrumés de proches larmes de regret, dans les lumineuses prunelles où il lisait de suaves promesses d'avenir, et il reprenait, vaillant, l'aride chemin d'abnégation au bout duquel se levait une aurore d'amour. Le soir de leur mariage, les deux époux pénétrèrent au bras l'un de l'autre dans le petit salon de l'appartement qu'ils allaient occuper ensemble. Et Silver ressentit une certaine surprise à voir, éclairé de toutes ses bougies, le piano auquel il avait renoncé à demander la gloire. Dans son exaltation de sacrifice, Il avait même voulu vendre l'instrument qui avait si longtemps charmé sa misère. Mais Denise s'y était opposée, désirant, par une intuition délicate, conserver ce mélodieux témoin à leur bonheur. « Mon ami, » questionna-t-elle doucement, en désignant le piano, « êtes-vous sûr que ce rêve qui tenait là-dedans ne vous manquera pas ?»« À côté de vous, Denise, » répondit-il, convaincu, « rien ne manquera. » Avec une grâce charmeuse, elle posa les deux mains sur les épaules de son mari. « Eh bien, mon cher Florentin, c'est moi qui suis votre auditoire à présent. C'est pour moi toute seule que vous allez jouer votre opéra. » Rayonnant, il s'assit devant le clavier, tandis que Denise s'accoudait pour écouter sur un meuble voisin. Les notes s'envolèrent sous les doigts fiévreux du musicien, mais presque tout de suite il s'arrêta, déconcerté. « Ce n'est pas cela, » fit-il avec dépit. Il recommença, puis après quelques mesures s'arrêta de nouveau en proie à un désemparement extrême. « C'est bizarre, » ajouta-t-il. « Il me semble que cela ne vaut rien du tout. Jamais je n'aurais réussi. Comment peut-il se faire que je ne retrouve rien de ce que j'avais mis dans cette œuvre? C'était une autre harmonie. » Il se tournait vers Denise. Elle lui sourit d'un ineffable sourire de femme dont la tendre raison a vaincu, et il comprit, dans un ravissement, qu'il avait trouvé la véritable harmonie, l'harmonie incomparable qui, depuis l'origine des mondes, enchante le pauvre cœur humain, hanté par l'éternel besoin d'aimer. Ainsi s'achève L'éternelle harmonie par Paul Juncker.